Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Duncan Campbell Scott, l'homme derrière les pensionnats autochtones. Indianness was not to be tolerated. Rather, it must be eliminated. In the buzzword of the day, assimilation. In the language of the 21st century, cultural genocide. Le 28 mai 2015, la juge en chef de la Cour suprême du Canada, Beverly McLaughlin, n'hésite pas à parler de génocide culturel pour décrire le traitement que le gouvernement du Canada va faire subir aux Autochtones du pays. Ce geste n'est pas banal. Que la plus haute magistrate au pays y aille d'une telle déclaration est en soi une manière de coup d'éclat. Quelques jours plus tard, à l'occasion de la publication de son rapport, la Commission Vérité et Réconciliation va aussi utiliser ce terme de génocide culturel pour décrire le sort réservé aux Autochtones du pays par le gouvernement canadien. Au cœur de cette entreprise génocidaire, la création et le développement de ce qu'on va appeler les écoles résidentielles, les pensionnats indiens, comme on disait à l'époque, l'homme derrière ces écoles, l'architecte du réseau des pensionnats pour autochtones, a pour nom Duncan Campbell Scott. I think today we are here in a way to remind ourselves as well that the stories of our lives are not all written while we are on Earth. Nous sommes ici pour rappeler que l'histoire de nos vies ne s'écrit pas uniquement de notre vivant. Notre histoire se poursuit et peut devenir plus puissante après notre mort. Duncan Campbell Scott, I presume, was born in perfection as with the rest of us. Comme nous tous, je présume que Duncan Campbell Scott était irréprochable à la naissance et que, comme tous les êtres humains, il a vécu avec ses défauts et ses nuances. Aujourd'hui, nous voulons que son lieu de repos éternel puisse instruire les générations actuelles et futures. Nous souhaitons que cette plaque, que nous nous apprêtons à dévoiler aujourd'hui, fasse connaître une histoire rarement racontée dans les manuels scolaires. That the plaque that we are about to unveil today can serve to tell the more complete history that most of us grew up not knowing. Sur un poème de Duncan Campbell Scott, Sailor's Sweetheart, écrit en 1926, interprété par le chœur de chambre de Guelph, vous entendiez la commissaire Mary Wilson de la Commission Vérité et Réconciliation le 2 novembre 2015, au moment où on a procédé à l'inauguration d'une nouvelle plaque commémorative à Ottawa, au cimetière Beechwood, là où est justement enterré Duncan Campbell Scott. La nouvelle plaque précise le rôle qu'a joué le célèbre poète canadien dans la mise en place des politiques d'assimilation des autochtones par le gouvernement du Canada. Pour nous parler du rôle déterminant qu'il va jouer, Duncan Campbell Scott, dans cette entreprise d'assimilation, je reçois mon collègue Serge Bouchard, anthropologue, animateur à notre radio de l'émission C'est fou, co-auteur aussi, avec Marie-Christine Lévesque, de l'ouvrage Le peuple rieur, hommage à mes amis Innus. Serge Bouchard, bonjour. Bonjour. Vous teniez, Serge Bouchard, à faire une émission sur Duncan Campbell Scott. Pourquoi? Mais parce que il y a toujours la notion d'imputabilité dans l'histoire. Et puis, on peut toujours se dire qui est responsable, qui a fait ça. Et quand on se dit, mais qui a fait ça, puis on a des noms. Alors, ce sont ces noms qu'on doit prononcer. Or, Duncan Campbell Scott est largement inconnu. Ouais. Chez les francophones, en tout cas, au Canada, et même, j'imagine, chez les anglophones. Mais il est, et vous l'avez dit dans l'introduction, il est le concepteur, l'architecte, mais aussi le praticien de la chose. Il a gouverné, il a géré le programme jusqu'en 1932, oui. Date de sa mise à la retraite. Et non seulement on le connaît mal ou on ne le connaît pas, mais quand on le connaît ou quand on le connaissait, parce qu'on vient de l'entendre avec ces extraits-là, ça change. Mais jusqu'à tout récemment encore, Serge Bouchard, ce qu'on retenait de cet homme-là, c'est sa stature de brave Canadien, de haut fonctionnaire et de poète important. Oui, c'est un drôle d'oiseau, Duncan Campbell Scott. Il est important parce qu'il nous fait pénétrer dans le Canada de la première période. En fait, il vient au monde en 1862 et il est mort en 1947. Donc, il est à cheval entre les 19e, c'est la Confédération. Oui. Donc, c'est un vieux Canada, c'est un Canada classique, très conservateur, qu'on a voulu qu'il existe, du moins en anglais, du côté anglophone. Il est fonctionnaire. Oui. C'est un type qui est originaire d'Ottawa. Et il y a cette double personnalité. C'est vraiment Dr. Jekyll. Il est à la fois... C'est un pianiste. Hein? Oui. Vous savez, il joue très, très bien du piano. Il a écrit du théâtre, il a écrit de la poésie. Il a une grande estime de lui-même. Il se considère de son vivant comme étant un grand écrivain canadien. Il va même se plaindre qu'il n'est pas assez reconnu. Il devrait être plus reconnu comme étant un grand génie littéraire. Et le fonctionnariat, pour lui, ça va être une sinécure. C'est quand même un homme qui a été 50 ans aux affaires indiennes. Là. Il est arrivé à 17 ans. Donc, c'est une sinécure dans la vraie définition du mot sinécure. C'est-à-dire, il est fonctionnaire de jour, il est artiste de soir. Et dans ses poèmes, il y en a un célèbre qui s'appelle Onondaga Madonna. Il revient souvent sur le sujet, il va célébrer l'indianité. Oui. Il va célébrer la grande, une sorte de noblesse romantique de l'Indien, la forêt, la nature, etc. Alors, à la fois, il célèbre d'un côté, puis de l'autre côté, il va être le bourreau des Indiens, des Indiens contemporains, c'est-à-dire des Indiens d'aujourd'hui. Il déteste les Indiens d'aujourd'hui. Il magnifie les Indiens du passé. Ouais. On écoute justement, on va tout de suite évacuer, si je puis dire, ce volet poète, parce qu'il va être considéré comme un poète de la Confédération, comme un grand poète. Ouais. On écoute deux critiques dans un extrait qui nous ramène à l'émission Des livres et des hommes en septembre 1967. Pour nous parler de la littérature de Duncan Campbell Scott, pour nous parler de la représentation qu'il fait dans cette littérature des Autochtones, on écoute Hugo McPherson, critique littéraire et le professeur de littérature sur Ronald Sutherland. Quand on reflète sur la poésie du 19e siècle, pour moi, je trouve la poésie d'une vieille fille irlandaise de Toronto, Isabella Valency Crawford, et la poésie de Duncan Campbell Scott, ministre du département des affaires indiennes. Exactement, oui. Et Scott était beaucoup sympathique aux Indiens. Et il est le premier raconte l'histoire vraie du Canada indigène. Oui, la réalité des Indiens, oui. Pour Scott. J'aime beaucoup Scott. Oui. Parce que je pense que Scott a essayé vraiment de sonder les problèmes du Canada. Oui. Et nous commençons à réaliser exactement maintenant que Scott est un des plus importants poètes de cette génération. Oui. Ça, c'est fascinant, Serge Bouchard. En 1967, on est évidemment bien avant 2015, les extraits qu'on entendait au début de l'émission où la juge en chef de la Cour suprême, Beverly McLaughlin, dit ce qu'il a fait, cet homme-là, c'est un génocide culturel. On est en 60, mais on est quand même en 1967, Serge Bouchard, et il y a encore cette vision du grand poète qui nous dit l'âme amérindienne dans toute sa vérité. Bon, c'est bouleversant d'entendre ça, je dois vous le dire. En 67, j'avais 20 ans. C'était l'Expo 67, il y a un pavillon des Indiens du Canada avec des plumes, puis des tipis, puis tous les stéréotypes que vous ne pouvez pas imaginer. Mais que des gens en critique littéraire, même en critique d'idées, disent que cet homme comprenait les Indiens, ouais. C'est horrible. Ce sont des commentaires horribles à mes oreilles parce que déjà en 1967, ils auraient pu savoir qu'il était... D'abord, dans ses poèmes, bien sûr, il y a ce noble Indien, je le répète, mais dans sa vérité, dans le travail qu'il a fait, il était le maître d'œuvre, c'est-à-dire sur le terrain, dans la gestion de la politique fédérale qui était la disparition des Indiens. Mmh. Duncan Campbell Scott œuvre dans le contexte de ce qu'on appelait « the vanishing race », c'est-à-dire que les Indiens mouraient, les Indiens n'étaient pas en santé, les Indiens, leur langue mourait, ils étaient en réserve, et pour Duncan Campbell Scott, il était d'accord avec ça. Il fallait que les Indiens disparaissent du Canada. D'ailleurs, même si on ne le prend pas au premier degré et qu'il n'est pas en train de tuer du monde, quoique, il va quand même écrire cette fameuse phrase « Je ne serai tranquille et vous ne serez tranquille, les fonctionnaires, que le jour où la question indienne sera résolue au Canada. » Le problème indien sera disparu. Les Indiens étant devenus des Canadiens normaux, c'est-à-dire étant en protestant, anglais, et qu'il n'y a plus d'indianité. Et ça, Duncan Campbell Scott, il n'était pas d'ailleurs ministre des Affaires indiennes, comme on le dit dans le... il était superintendent. Oui. Le ministère n'existait pas. Il était le fonctionnaire numéro un. Donc, il avait la tutelle des Indiens du Canada. Il agissait en toute impunité. Et lui-même va le dire, parce qu'on va le questionner. À un moment donné, il va avoir une commission à Ottawa, dans l'ancien temple. Ils vont lui dire, oui, mais y a-t-il quelqu'un qui autre que vous qui se mêle de tout ça, qui vérifie ce que vous faites. Et il répond de façon cynique, mais ça nous révèle tout. Personne ne s'intéresse à la question. Ouais. Je suis le seul qui s'occupe de ça. Les ministres, les politiciens, personne ne veut rien entendre parler. Autrement dit, on dirait, écoute, Duncan, arrange-toi dans ton coin. Et comme ça, toutes ces années, il va pouvoir appliquer sa politique des pensionnats. En 1919, rendre obligatoire les pensionnats entre 7 et 15 ans, même s'il y a des avis, vous savez, le fameux rapport du Dr. Bryce qui lui dit, mais écoutez, il y a plein de tuberculose dans l'Ouest, les pensionnats sont mal chauffés, les enfants sont mal nourris, sont maltraités, il y a des rapports accablants. Donc, il le sait, ce qui se passe. C'est ça qui est le pire, c'est qu'il le sait. Ouais. Et il laisse faire. Il laisse faire, et personne n'est là pour le rappeler à l'ordre. Personne, parce que personne ne s'intéresse à la question des Indiens. Ça ressemble à quoi, concrètement, la vie dans ces pensionnats, Serge? Écoutez, les pensionnats, il y en a de différentes sortes. Il y a les pensionnats de Colombie-Britannique, il y a les pensionnats plus récents au Québec. Mais là, dans le cas qui nous occupe, c'était la mise en place des pensionnats des Residential Schools de l'Ouest canadien. On était encore en train de négocier des traités à l'époque de Duncan. Lui-même, on en reparlera probablement, va négocier un traité numéroté. Le pensionnat... on a découvert que les pensionnats, à la limite, ne donnaient même pas d'enseignement. Mmh. Ils essayaient de s'autofinancer parce que les affaires indiennes n'envoyaient pas l'argent. Ouais. Ils n'envoyaient pas les médicaments. Ils envoyaient de la mauvaise bouffe. Alors, ils essayaient de s'autofinancer. La viande a varié. On est là-dedans, là. On est dans la viande. Mais ça, les Américains, comme les Canadiens, l'ont fait. C'est-à-dire qu'il y a eu... S'il y avait eu une commission, je sais pas, moi, comme on a eu une commission sur le crime organisé, on aurait pu avoir la corruption des fonctionnaires à cette époque qui détournaient les bons produits sur le marché pour s'enrichir. Bon, c'est du crime, c'est de la fraude pure et simple. Mais qui envoyait de la viande avariée dans les pensionnats, qui faisait travailler les enfants, qui économisait sur le chauffage puis sur les vêtements et sur l'hygiène en général et sur les soins, parce que des maladies se déclaraient. Alors là, on parle de mort. On parle... ce sera toujours des estimés, ce sera toujours des... Mais ce sont des tragédies dans l'Ouest qui se sont passées où les enfants... Puis dans l'Est, on en trouverait aussi, où les enfants meurent littéralement. Dans les réserves indiennes, c'est exactement le même régime. On devait faire ceci, on ne le fera pas. Quand Duncan Campbell Scott, je ne vais pas trop m'avancer, mais quand il négocie... En 1909, le traité de numéro 9, on est dans le 9. Mais ça, c'est des traités qui ont été faits au 20e siècle. Et c'est tout le Nord-Ontario. Ouais. C'est tout le Nord-Ontario. Et là aussi, il y aura, puis on y revient dans un instant, mais une grande malhonnêteté. Aujourd'hui encore, ce fameux traité, ça reste un stigmate vraiment pour la communauté autochtone, puis on comprend pourquoi. Mais encore un dernier petit mot sur les pensionnats. Non seulement ils meurent, ces enfants, non seulement ils sont mal nourris, ils ont froid, ils sont maltraités, mais ils meurent aussi culturellement. On revient à ça, à cette notion de génocide culturel. Le grand dessein, c'est ça, c'est qu'ils ne parlent plus leur langue. Et Duncan Campbell Scott ne veut plus de mode de vie indien, d'identité indienne. Ouais. Donc, on est dans le culturel. Et on veut tuer cette diversité culturelle canadienne qui est, aujourd'hui, on se dirait ensemble, on se regarderait, on dirait qui est très riche, qui est très ci, qui est très ça. Là, pour la première fois dans l'histoire du Canada, on vient de voter une maigre quelques millions de dollars pour protéger les langues autochtones. Ouais. Mais c'est quand même étourdissant. Ouais. À cette époque, on faisait tout pour les faire disparaître. Ouais. Avec, dans le cas de Duncan Campbell Scott, je pense, un dessin, vous l'avez bien montré, il sait ce qu'il fait, c'est idéologique. Il y a, à côté de ça, parce qu'il y a beaucoup de ces écoles-là qui sont gérées par des communautés religieuses, je ne sais pas comment appeler ça, on va écouter un extrait, mais on est probablement dans la candeur, dans l'incompréhension. Écoutez, puis on commence ça ensuite ensemble, Serge Bouchard, mais le père Antonio Duhaime, qui en parle, pour lui, c'est une réussite de ces écoles, à l'émission Le Matin de la fête en juillet 88. Vous allez voir, le père Duhaime parle d'abord de la vision qu'avait l'évêque Vital Grondin, les missionnaires au Blas aussi, qui vont fonder les premières écoles résidentielles dans l'ouest du pays. Monsieur Grondin savait que pour éduquer les Indiens, il ne pouvait pas les réunir sur une réserve. Il n'y avait pas les moyens de transport pour arriver à temps pour l'école. Fonder une école, il fallait qu'il soit là. Alors, la seule façon, lui, qu'il voyait qu'il pouvait éduquer les Indiens, c'est d'avoir une école résidentielle et de les garder là pendant 10 mois de l'année. Il serait bien nourri, il serait là à temps pour les classes, et puis ça serait centralisé. Hein. La première école résidentielle, c'était à Lebrette, par le père Huguenard. La deuxième, c'était à Dunbow, qui a fait un travail formidable. Ça. Ils ont formé des Indiens là, qui sont devenus des leaders. Il y avait même des Cris qui sont venus à Dunbow. Et là, ils étaient résidents pendant 12 mois, pendant 6 ans. Ils ne tournaient pas chez eux, puis ils étaient même baptisés, là. Il y avait des fameux athlètes aussi, mais il y avait des musiciens. Il y avait une fanfare, ils ont gagné des médailles, une médaille d'or, je pense, à Regina. Ils ont appris à l'agriculture, la menuiserie. Les filles ont appris à coudre, à faire la cuisine, tout ça. Alors, quand ils sont tournés sur les réserves, ces gars-là sont devenus les leaders des réserves. Malgré la critique, l'Église nous a enlevé notre langue, notre culture, notre religion. Les leaders qu'ils ont formés étaient responsables pour beaucoup de progrès qu'ils ont fait sur les réserves. Que dire de ce qu'on vient d'entendre, Serge Bouchard? Ça nous dit quoi sur la mentalité, sur la façon de penser de l'époque? C'est la façon de penser de l'époque et c'est dur à entendre, forcément, mais c'est... On a l'impression qu'on en fait des... C'est pour leur bien. On en fait de meilleurs hommes, là. On faisait... Les missionnaires, en tout cas, le pensaient. Ouais. Mais c'est une vieille idée, vous savez. Il suffit de relire les relations des Jésuites, de relire l'histoire de la Nouvelle-France. Tout ça a commencé sur les rives du Saint-Laurent. On ne veut pas que l'Indien soit nomade. On ne veut pas qu'il soit en forêt. Donc, c'est un désaveu du chasseur. Donc, la pêche, la chasse, le nomadisme, la langue, la particularité culturelle, on n'en tire pas du tout fierté, il n'y a pas du tout d'avenir. Il faut sauver ces gens, les sauver de la forêt, les sortir du bois, les amener à quelque chose d'autre. Donc, Marie de l'Incarnation voulait en faire des petits Français, des petites Françaises. Ouais. Le Père Lejeune a un premier collège dans les années 1630. Donc, on est encore rendu au 20e siècle, dans l'Ouest, ou à l'époque de Louis Riel, puis ensuite, où les Oblats de Marie-Immaculée ont joué un grand rôle dans les écoles résidentielles. Ouais. Et ils voyaient ça de façon positive, c'est-à-dire on va aider les Indiens à ne plus être Indiens. Ouais. Parce qu'être Indien, c'est un handicap dans la vie. Il faut le dire comme ouais. ça. Duncan Campbell Scott le voyait comme ça, donc personne ne tirait fierté et personne n'attachait d'importance à la dignité de ces gens-là, ouais. Aux enfants, et dire que plusieurs sont devenus des leaders, puis tout ça. Mais évidemment, c'est faux, tout ça. Les gens sont devenus, oui, des leaders, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas passé grand-chose. Et c'est le monde indien qu'on veut voir disparaître. Et on est prêt à tout. Alors, le résultat net, c'est que on a tué l'indianité au Canada pendant 50 ans. On s'est ouais. acharné à tuer la diversité culturelle amérindienne. Le traité numéro 9, on en a un petit peu parlé. C'est un autre pan important de l'héritage, appelons ça comme ça, de Duncan Campbell Scott. Qu'est-ce que c'est que ce traité-là? Parlez-nous de la façon dont ça va se faire. C'est ça qui est indignant. Mais c'est un des plus récents. Les derniers sont dans les années 20 dans les territoires du Nord-Ouest. Mais 1909, c'est un archétype. Hein? C'est l'idéal type, je dirais, du traité canadien. Mais là, c'est Duncan Campbell Scott qui est impliqué. C'est 3 ans avant de devenir superintendant. Il va sur le terrain. Il rencontre les chefs. Il rencontre les communautés. Il leur dit, écoutez, vous allez céder vos droits. C'est tout le Nord-Ontario. Là. Vous cédez vos droits à la couronne fédérale pour toujours et à jamais. C'est un document. Hein. C'est comme un document notarié. En retour, nous vous offrons protection. On va vous offrir des réserves indiennes. Vous allez avoir des maisons, imaginez-vous. Vous allez avoir un dispensaire. Vous allez avoir une école primaire. Vous avez une sécurité. On est comme une assurance. Si vous avez faim, on va vous envoyer de la nourriture. Puis on va vous donner de l'argent. Ça, c'est le principe, là, c'est la tutelle, le père donne de l'argent à ses enfants. Et vous aurez le droit, et c'est écrit dans le traité, vous aurez le droit de chasser et de pêcher sur les territoires sauvages du Nord d'Ontario. Sur les terres de la couronne, désormais, mais sur les territoires sauvages du Nord d'Ontario. Toutes ces promesses, aucune ne sera respectée par Duncan à son retour à Ottawa. Ouais. C'est lui qui l'a négocié. Et ils n'auront pas de nourriture, ils vont avoir des réserves indiennes bancales, tout croche. Ils vont être isolés, ils vont être pauvres. Et surtout, ils vont être arrêtés comme braconniers. Oui. Aussitôt qu'ils vont chasser puis qu'ils vont pêcher, puisque c'est la province qui s'occupe des lois de chasse et pêche. Et il ne va jamais défendre les Indiens. Donc, une grande irrespect d'engagement, une supercherie formidable. Il est en toute impunité. Autrement dit, il peut retourner à Ottawa et dire « j'ai tout promis ». Mais je donnerai rien. Ouais. Et personne ne va le remarquer, effectivement. Puis regardez aujourd'hui, en 2018, parmi les plus pauvres réserves indiennes du Canada, Nord-Ontario. On boucle la boucle, Serge Bouchard, pour parler un petit peu de ce qui reste de cette figure-là dans notre histoire, la grande histoire nationale. Et là, on est où avec cette figure de Duncan Campbell Scott? C'est un problème insoluble, à mon avis, parce que... Ben, ça se dit, c'est un problème insoluble. Le temps va passer. Mais on a un foutu problème au Canada avec... l'imprudence qu'on a eue durant le 20e siècle, on a commis une grande imprudence, c'est-à-dire de se bâtir une épopée, une sorte d'épopée. On l'a fait en français, qui ne tient plus. Mm-hmm. Tu ne peux plus te mettre à genoux devant Dollard, des ormeaux, qui met un crucifix puis qui meurt en odeur de sainteté. Tu ne peux plus... Et là, un des gros problèmes, derrière Campbell Scott, là, tu arrives à des personnages officiels que tout le monde connaît. John A. McDonald, parce qu'on n'a pas mentionné son nom, mais Scott, c'est l'homme de main de gens comme McDonald et de toute la série des politiciens. Les Américains sont pris même avec ça. Ouais. Avec, doit-on avoir des statuts dans le Sud de généraux qui étaient esclavagistes et racistes, profondément racistes? Toutes les sociétés modernes doivent se poser ce problème. Autrement dit, à l'échelle mondiale, j'imagine, on a une plus grande sensibilité aujourd'hui sur l'imputabilité. Ouais. Mais au Canada, on n'y échappe pas. Duncan Campbell Scott, on l'a vu au début de l'émission, on a changé sa plaque. Ouais. Mais il faut quand même le faire, là, dévisser la plaque. Puis mettre le petit paragraphe en disant... c'est lui qui a fait ça, les pensionnats. Bon. C'est le début d'une... Je sais pas. On va-tu dévisser la plaque de John A. McDonald? On va-tu les passer? C'est comme un tribunal de l'histoire, vous voyez? C'est comme si... Et c'est dangereux en même temps. C'est très dangereux. Mais moi, je comprends les historiens qui disent qu'il faut faire attention. Ouais. Je les comprends très bien. Mais en même temps, l'inverse, ne rien faire, ça n'a aucun sens non plus. Serge Bouchard, c'était comme toujours fascinant. Un grand plaisir de vous recevoir. Merci, Serge. Merci de m'avoir invité. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.